1, 2, 1, 2. Effet fondateur, l'héritage des pionniers. Maintenant, une chose est sûre. Les maladies génétiques rares hantent les gènes d'une partie de la population du Québec à cause de l'effet fondateur. J'ai voulu savoir si cette particularité avait des conséquences sur la société et son organisation. Dans l'épisode précédent, j'ai rencontré le spécialiste Bernard Bray à l'université McGill. Je lui ai demandé si le Québec avait saisi la dimension du problème. La question, c'est comment intégrer le patrimoine génétique dans les choix d'une société pour la santé. C'est pas simple. Pas simple, c'est sûr. Mais avec le fichier Balzac qui retrace les liens de la population depuis la fondation du Québec, il serait possible d'identifier les porteurs de certaines erreurs génétiques. Les Islandais ont fait ce choix, par exemple, en constituant un annuaire géant qui retrace la généalogie depuis les premiers colons. Mais comme l'explique Hélène Vecina... Quand les travaux ont commencé dans les années 70-80 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une la question s'est posée. Si on est capable de prendre des individus atteints, de remonter leur généalogie, d'identifier, mais il faut savoir que c'est vraiment pas simple, mais en tout cas d'identifier des groupes minimalement d'ancêtres qui seraient plus susceptibles d'avoir introduit la mutation, et donc c'est assez facile à l'étape suivante de se dire ces gens-là ont aussi des descendants, d'autres descendants dans la population, si on pouvait les rejoindre, on pourrait peut-être les prévenir qu'ils sont plus à risque. Mais écoutez, la décision a été prise, ça c'est ce qu'on appelait, en tout cas à l'époque, faire de l'inférence généalogique. La décision a été prise assez rapidement de ne pas faire ça. Je pense que vous pouvez voir que pour des questions éthiques, d'abord. Deuxièmement, il faut se demander, est-ce qu'on peut vraiment... Ça dépend vraiment du type de maladie. Est-ce qu'il y a des traitements ou pas? Est-ce que ce sont des maladies récessives ou des maladies dominantes? Est-ce qu'on va s'adresser à des gens qui sont porteurs et qui auront des choix à faire en matière de reproduction ou des gens qui sont déjà atteints? Et s'ils sont atteints, bon. Alors, c'est extrêmement complexe. Mais parfois, des trajectoires personnelles permettent de changer la donne. C'est le cas de Pierre Lavoie, qui a mis au monde deux enfants atteints d'acidose lactique, une maladie génétique mortelle. Ce destin tragique l'a conduit à s'engager à la fin des années 90 en faveur d'un dépistage dans sa région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au départ, on nous dit « Non, Pierre, ça va être trop long, ça va coûter trop cher, puis tu vas te décourager avant. » Non. Non. Après avoir subi la rude épreuve d'avoir des enfants malades, Pierre n'est pas homme à se laisser abattre. À l'époque, personne n'est convaincu de la pertinence de la démarche. Alors Pierre enfourche son vélo et se lance dans un plan de communication hors norme pour convaincre le plus grand nombre. Tu sais, je me rappelle, moi, du 3 septembre 1999, c'est là que ça a débuté, là, où je prends mon vélo et cette journée-là, je vais sortir public, je veux sauver mon fils. Il est atteint de l'acidose lactique, je veux ramasser des fonds pour la recherche. Bon. Ce jour-là, ben, j'étais seul. Hein, j'ai regardé, ma femme est là, Raphaël est dans mes bras. Nos amis qui sont venus au départ, il y a un photographe qui prend la photo. Quand je me suis tourné, j'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. C'était le début. Mais la vision, le plan de match, c'est que je n'allais jamais m'arrêter. Moi, je suis un triathlète. Je fais des Ironman, j'en ai fait toute ma carrière. J'allais au championnat du monde à Hawaï plusieurs fois. Puis c'est des courses qui durent toute une journée où ne jamais abandonner est extrêmement important. Donc, ça faisait partie maintenant de mon ADN. Et je savais que quand tu es incapable de courir, ben tu marches. Puis quand tu es incapable de marcher, ben tu rentres. Puis tu finis toujours par traverser la ligne. C'est 42 km, là, c'est une question de temps que tu vas la traverser si tu n'abandonnes pas. Donc, ce principe, je l'avais en moi. Donc, ce jour-là, c'était le départ, c'était l'engagement. Mais aujourd'hui, tu sais, je me tourne, je regarde derrière moi, je vois 1000 cyclistes qui ont amassé 3 millions l'année passée pour les maladies génétiques orphelines. Aujourd'hui, la cause semble entendue. Car le défi Pierre Lavoie est inscrit sur tous les calendriers du Québec. À l'époque, quand Pierre propose de dépister les couples potentiellement porteurs, les éthiciens des institutions publiques lèvent leurs boucliers. Pierre se remémore les réunions des associations de parents d'enfants malades où il annonce son idée publiquement. Je vais prôner le dépistage. Je vous le dis, là, oui, on va essayer de trouver une médication. Mais c'est le dépistage. Maintenant, je vais prôner un dépistage de la population. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas là, mais vous avez le choix. Aujourd'hui, on se met ensemble, puis on demande un dépistage. Ensemble, les 5 maladies ensemble. Et par la suite, on verra. À 5, on va être beaucoup plus fort. Et donc, moi, dès la découverte du gène, les premiers mots que je vais dire maintenant, on prône un dépistage de population. C'est sûr que ça fait peur, là. Là où arrivait un parent avec de l'influence, j'étais un cycliste, mais connu. Pour achever de convaincre tout le monde, Pierre sait que les symboles simples peuvent lever les réticences et emporter l'adhésion de la population du Saguenay. J'ai lancé un bracelet bleu. Armstrong venait de lancer son bracelet jaune aux États-Unis contre le cancer. Je venais tout juste de le voir. J'ai dit, c'est parfait, je vais lancer un bracelet bleu et je vais faire une pub à la télévision pour dire aux gens, quand vous achetez le bracelet bleu, vous soulignez votre support au dépistage des maladies héréditaires de notre région. Il faut qu'il y ait un message fort qui se rende jusqu'à Québec, au ministère de la Santé. Donc, on en a vendu 65 000 en 3 mois. Tout le monde le portait. Maintenant, le message était clair, là. Les gens étaient prêts au dépistage et il fallait qu'on mette en place ce programme. C'est que là, tu avais un citoyen touché qui n'était pas en train de dire des choses, il était en train de faire des gestes. Et qui prônait quelque chose qui était le gros bon sens, que plein de médecins avant le prônaient, mais qu'on n'était pas capable de le passer. Les éthiciens ne sont pas d'accord, malgré le soutien des médecins. Ils redoutent que les tests soient associés à de l'eugénisme, qui sélectionnerait des enfants avec le meilleur ADN. À force de remuer ciel et terre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a lancé un programme de dépistage pilote. Pour Pierre Lavoie, les gens bien informés sont capables de décider. Ce que les gens doivent savoir, je ne suis pas un pro-dépistage, du tout. Je suis un pro, je veux que les gens aient la chance de choisir, selon leurs valeurs, leur culture, hein, leur religion. Moi, Éline, si on aurait un enfant qui serait atteint, je vous le dis là, aujourd'hui, très clairement, là, qui serait atteint de la polyneuropathie, puis on le saurait dès ses premières semaines de grossesse, on ne poursuivrait pas la grossesse. S'il serait atteint de l'attaque Charlevoix-Saguenay, on poursuivrait la grossesse. S'il serait atteint de fibrose kystique, on poursuivrait. Et s'il serait atteint de la tyrosinémie, on poursuivrait également. C'est moi, Éline, qui a vécu avec deux enfants qui sont décédés, puis qui sont capables d'accepter une situation comme celle-là puis d'en mesurer les conséquences à long terme. Mais un jeune couple qui débute sa vie, qui est son premier enfant, j'aime pas qu'on s'ingère dans leurs décisions. Je veux leur laisser le choix parce que c'est important que ça reste à eux, cette décision-là. C'est pour ça que ce projet-là est très bien balisé. Puis il n'y a aucun risque de dérapage. Là. Mais maudit qu'on a essayé de nous bloquer. Puis aujourd'hui, on est très fiers de le voir avancer de la bonne façon. Puis je sais que j'en ai une petite partie là-dedans parce que j'ai poussé fort, on a poussé fort, très fort. Puis aujourd'hui, c'est des solutions pour d'autres sociétés dans le monde, hein, parce que ce dépistage génétique populationnel pour un couple ou plusieurs maladies, c'est extrêmement rare à travers le monde. Ça fait peur à beaucoup de pays. Pierre a lancé le programme en mode pilote. Un homme de l'ombre est aussi derrière ce projet. Claude Laberge. J'ai rencontré ce chercheur, aujourd'hui retraité, qui se rappelle très bien de cette période. Après avoir consacré sa thèse de doctorat à l'effet fondateur, il a milité dans le même sens que Pierre Lavoie. D'ailleurs, pour lui, le pilote du Saguenay est loin d'être suffisant. Ça veut dire qu'avec les moyens qu'on a, on est à peu près 25 ans en retard sur le fait d'offrir aux gens l'information pour qu'ils puissent décider si oui ou non ils font de la prévention. Pas besoin d'un programme d'eugénisme national. Tu as juste à dire aux gens qu'est-ce qu'ils sont comme porteurs, puis ils vont décider eux-mêmes. Donc, la santé publique va se faire par des décisions individuelles. Claude Laberge, comme Pierre Lavoie, croit que la décision des individus correctement informés prime sur tout. Il trouve d'ailleurs que le dépistage devrait être généralisé au Québec. Les descendants des pionniers ont migré partout dans la province. Le danger s'est installé. Il prend un exemple de maladie pour nous convaincre. Et la tyrosinémie, par exemple, est fréquente dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour ça qu'on a fait un projet pilote pour offrir des tests de porteurs avant la conception. Et 50 % des cas ne viennent pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils viennent de la région de Montréal et de la région de Québec. Pourquoi? Parce que la population, depuis 100 ans, la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean a migré. Et il y a plus de monde, probablement, d'origine du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Charlevoix ailleurs que dans ces endroits-là. Fait que pourquoi ces gens-là peuvent pas avoir les mêmes tests que ceux qui sont identifiés à cause du parc? Les maladies ont franchi la limite des territoires. Circonscrire les tests à une seule région paraît aberrant. Pierre Lavoie ne le dément pas. Il prend l'exemple du Charlevoix, qui est aussi touché par les maladies génétiques rares. C'est assez simple. Il devrait être étendu et offert, surtout dans la région de Charlevoix, parce que nos ancêtres sont là, là. Ils ont la même problématique que nous, là. Ils ont probablement le même taux de porteurs. Et eux, ils peuvent pas se prévaloir de ce test-là. C'est non éthique, là. Moi, si je serais dans Charlevoix, là, ça ferait longtemps que je serais monté aux barricades, là. Ça, c'est certain, là. Un blocage subsiste pour généraliser les tests au Québec. J'interroge Claude pour savoir si c'est une question d'argent. Les technologies aujourd'hui avec des séquenceurs portables, hein, qui coûtent à peu près 600 pièces pour séquencer tout le monde. Hein. Ce n'est pas une question de moyens. Séquencer la population concernée ne coûte pas très cher. Le blocage ne vient pas du budget requis. La réussite du pilote au Saguenay prouve en outre que le fonctionnement est bien balisé. C'est la raison pour laquelle on l'a fait, pour démontrer pour la première fois qu'on pouvait offrir des tests à des gens qui n'étaient pas malades, qui n'étaient pas en situation de crise parce que quelqu'un est enceinte, et de leur offrir avec l'information que leur état de porteur, puis qu'ils décident avec leur partenaire pour avoir des enfants ou pas, puis s'ils en ont, bien, qu'ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire avec le fœtus. Le blocage est donc à chercher ailleurs. Pierre Lavoie connaît bien la réponse. Au Québec, on n'est pas différent des autres, là. En premier, on veut guérir les gens. Donc, quand on amène des programmes de prévention, on est souvent exclu de la table. On fait pas de prévention. On aime guérir. Donc, des maladies génétiques, c'est pas facile à guérir. Il y a certains succès. La tyrosinémie, qui ont réussi en 94 à trouver une médication, même par hasard, le NTBC, qui fait en sorte que les enfants survivent maintenant. T'sais. On voit qu'un fibrose kystique aussi fait des avancées. Mais c'est difficile parce qu'on les appelle les maladies génétiques orphelines. Mais leur vrai nom, c'est les maladies génétiques rares. Moi, j'aimais pas le mot rare. Parce que je trouvais que c'était pas vendeur. Fait que j'ai tapé sur le clou longtemps pour les appeler les maladies génétiques orphelines. Quand on regarde dans la littérature, c'est rare, mais c'est plus vendeur orphelin. Parce que t'as plus le goût d'aider un orphelin que quelque chose qui est rare. Vous comprenez? C'était stratégique, là. Les programmes de santé visent à guérir. Commencer à mettre en place un programme de dépistage semble compliqué à généraliser. Le préventif n'a pas la cote. Pour une fois, nous laisserons le mot de la fin à un de nos interlocuteurs. C'est Pierre Lavoie qui a eu une belle formule pour résumer la situation de ces maladies génétiques au Québec. Puis je dis souvent, puis d'ailleurs je le dis au ministre dernièrement, ministre de la Santé au Québec, M. Barrette, en lui disant, vous savez pourquoi on les appelle les maladies génétiques orphelines? Là, il me répondait du tac au tac, mais c'est parce qu'ils sont rares, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est parce qu'ils sont orphelins du système de santé, qui est organisé et structuré à essayer de guérir des maladies prévenables par nos comportements. Et là, il y a eu un petit temps d'attente de 2 secondes. Il me dit, t'as raison, Pierre. T'as entièrement raison. Ben oui, j'ai raison. Je sais que j'ai raison.